mais werden peut être employé dans un troisième sens, pour parler du passage d'un état à un autre. Il est alors souvent traduit en français par « devenir ». « Werden », devenir, et « wurde », c'est « devenez ». « Es wurde ». Prenons par exemple quelque chose qui devient froid. Comment diriez-vous « ça refroidit »?« Ça devient froid ». Froid en allemand, c'est « kalt ». Kalt. K-A-L-T. Kalt. Donc, comment diriez-vous « ça refroidit »?« Ça devient froid ». Es wird froid, kalt. Oui, es wird kalt. Et comment diriez-vous ça refroidissait, ça devenait froid? Es war kalt, ça veut dire c'était froid. Ou si l'on parle du temps, il faisait froid, le temps était froid. Vous n'évoquez donc pas le passage d'un état à l'autre, du chaud au froid. Alors que pour exprimer « ça refroidissait », c'est-à-dire « ça devenait froid », vous allez avoir besoin de « devenir »,« werden », qui donne « wurde » au passé. Donc, « ça devenait froid » se dira « es ». « Es wurde kalt ». Bien, « es wurde kalt ».« Es wurde kalt », d'accord. Mais si on plonge dans le passé de « werden », on trouve geworden, geworden. Et il faut partir du plongeoir sein et non haben. Alors comment diriez-vous ça a refroidi, c'est devenu froid? Es ist kalt geworden. Bien, es ist kalt geworden. Die Suppe ist kalt geworden. La soupe a refroidi, la soupe est devenue froide. Die Suppe ist kalt geworden. Il est tard, se dit? Es ist spät. Bien, es ist spät. Comment diriez-vous il se fait tard, c'est-à-dire ça devient tard? Es wird spät. Bien, es wird spät. Et maintenant, comment diriez-vous il sera tard, il va être tard? Werden indique le futur. Il est employé pour parler d'un état qui sera obtenu dans le futur. Donc, comment diriez-vous « il va être tard » ? Es wird spät sein. Bien, es wird spät sein. Il sera bientôt trop tard ? Es wird bald zu spät sein. Es wird bald zu spät sein. Bien. Et comment diriez-vous il se fera tard, c'est-à-dire ça deviendra tard, ça va devenir tard. Es wird spät werden. Bien, es wird spät werden. Quel est le mot pour obscur, sombre, en allemand? Dunkel. Tout à fait, dunkel. D-U-N-K-E-L. Dunkel. Bien alors, comment diriez-vous il va bientôt faire sombre, c'est-à-dire ça va bientôt devenir sombre. Es wird bientôt bald dunkel werden. Bien, es wird bald dunkel werden. Comment diriez-vous il faisait sombre, c'est-à-dire en allemand c'était sombre. Es war dunkel. Es war dunkel. Oui. Et il faisait trop sombre, c'était trop sombre. Es war zu dunkel. Es war zu dunkel. Bien. Et maintenant, comment diriez-vous ça s'assombrissait, c'est-à-dire ça devenait sombre? Là, on n'utilise plus war du verbe sein, mais werden au passé, donc es wurde. Es wurde sombre. Es wurde dunkel. Es wurde dunkel. Ça s'assombrissait, ça devenait sombre. Comment diriez-vous il a fait très sombre, c'est-à-dire ça a été très sombre? Lorsqu'on plonge dans le passé de sein, être, on trouve gewesen pour été. Gewesen. Et attention, on part du plongeoir sein et non haben. Donc, a été se dirait ist gewesen. Bien. Ist gewesen correspond à a été. Et donc, comment diriez-vous « il a fait très sombre » littéralement, « ça a été très sombre ». Es ist sehr... Très bien. Es ist sehr... Dunkel geworden. Non, gewesen. Es ist sehr dunkel gewesen. En effet, je ne demandais pas « ça s'est beaucoup assombri, c'est devenu très sombre ». Es ist sehr dunkel geworden, mais il a fait très sombre. Ça a été très sombre. Es ist sehr dunkel gewesen. Es ist ganz dunkel gewesen. Ça a été complètement sombre. Ganz dunkel.